La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Yves Veilleux. D'abord, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que c'était la 15e édition de la course de relève qui se déroulait hier dans les rues de Dolbeau-Mistassini. On a quand même, encore une fois, quelques résultats à vous communiquer. D'abord, dans les catégories de la course de 5 km, Frédéric Bouchard a pris le premier rang. Frédéric Bouchard, qui est du club ultraviolet de l'Abbé. On a également que Claude Gilbert a pris le deuxième rang, tant qu'à Pascal Dumaresque, il a pris le troisième rang. Il est du club VO2. Au 3 km, Gabriel Lamontagne de Saint-Eugène a pris le premier rang avec un temps de 10 minutes 24 secondes. A été la deuxième position pour Jesse James et Cleary. Et la troisième position est allée à Enrico Dubé. Donc, on devrait parler aujourd'hui à Pierre-Luc Ménard dans la section entrevue de TanalysoSport.com. Question, on fait peu de faire le bilan de cette course de la relève. Haltérophilie, des bonnes nouvelles à vous annoncer en haltérophilie. Il y a deux haltérophiles de Dolbeau-Mistassini qui se sont distingués au championnat canadien qui se déroule actuellement, ou qui s'est déroulé récemment à Vancouver. Isabelle Boilan a signé une médaille d'or chez les moins de 62 kilos. Isabelle a obtenu un record canadien avec un levé de 76 kg. Tant qu'à Stéphane Hood de Dolbeau-Mistassini, il a signé une victoire pour une troisième année consécutive dans la catégorie des moins de 105 kg. Grâce à leur victoire obtenue récemment, nos deux haltérophiles ont obtenu leur laissez-passer pour les championnats canadiens et les championnats panaméricains qui vont se dérouler en 2018. Soccer, des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, l'AFC de Saint-Félicien a défait le Boreal d'Alma 8-2 et l'AFC de Robertval a vaincu les Chinooks de Chicoutimi. Ligue de Balland de Robertval, trois matchs étaient représentés hier soir. Pièce d'auto Universel a gagné 12-4 sur l'Intersport. Victoire du Bas-Zodiac 13-9 contre Garma Impression. Et le Saint-Hubert Express a défait le Megavac 12-9. Deck hockey à Saint-Prime, quatre matchs étaient au programme. Intersport 5, Détestable 1. Les Old Panthers ont défait les vétérans par le pointage de 5-2. Et les Captain Bob a défait les Wings 6-2. Et au golf, Pierre-Alexandre Bédard s'est signalé récemment, ou plutôt hier, en ramenant une carte de moins 2 pour prendre le troisième rang dans un tournoi qui se déroule actuellement en Ontario. Bédard a ramené une carte de moins 2 et il a présentement un pointage de 70. J'invite avec la section entrevue de TanalysoSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada à Calgary, où il suit les activités des Stamps, les Stampeders de Calgary. Il a rencontré Alexandre Gagnon. Il nous parle de ce qu'il a vu. Et également, vous pouvez écouter une entrevue que j'ai réalisée avec Stéphane Lourde qui nous parle de la performance d'Isabelle Boilat au championnat canadien qui se sont déroulés récemment en Colombie-Britannique. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.